بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 23 Safar 1442 qui correspond au 9 octobre 2020. On se retrouve avec une nouvelle assise sur les ondes de la radio Imam Malik. Cette assise est consacrée à la source de Rabi' al-Sunna et vous n'êtes pas sans savoir que Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala les Haddadi disent qu'il est Murji ou il est en accord avec le Murji'a. Et maintenant, ce que Cheikh Rabi' a désigné avec ce terme Akhass min al-Haddadiya, plus mauvais encore que les Haddadi, suivent les pas des Haddadi dans leurs assises privées. Et certains de leurs disciples les trahissent en criant cela et en disant que Cheikh Rabi' a du l'irja, ou Cheikh Rabi' est en accord avec le Murji'a, ou Cheikh Rabi' est Murji. A'oudou billah. Comme vous le savez, cette accusation a été dite auparavant au sujet des plus grands savants de ce siècle, l'érudit Ibn Baz, rahimahullah, ainsi que l'érudit Al-Albani rahimahullah, ainsi que l'érudit Al-Uthaymin rahmatullah alayhim. Les ennemis de l'islam, et plus particulièrement les innovateurs, lorsqu'ils se font dévoiler, au lieu de revenir sur leurs égarements, ils se repentir sans tête, ils ne craignent pas Allah, et ils méprisent ceux parmi les savants qui les ont conseillés, et montent à leur sujet, et l'une de leurs accusations favorites ces dernières années, c'est de les traiter de morgé, ou concordant avec le morgé A, ou il a de l'irja. Donc rien d'étonnant à tout cela, à cette calomnie à l'égard de Cheikh Rabi', mais tout comme pour ceux qui les ont précédés, leur tentative pour nuire à Cheikh Rabi' sont vaines, et c'est une cause pour l'élévation de Cheikh Rabi' dans ce bas monde et dans le delà, inshallah. L'éminence Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh avait dit dans une réponse aux étudiants yéménites: quiconque accuse les gens droits de l'irja, un penchant vers la vie des Khawarij. Oui, il a un fondement des Khawarij. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Najmi, rahimahullah, a été questionné: est-il vrai que Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' sont des morgés et qu'ils ont fait rentrer la communauté dans l'irja, ou qu'ils sont en accord avec le morgé'a? Cheikh Najmi, en réponse, a dit: Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Albani ne sont pas des morgés. Ils ne sont pas en accord avec les morgés. Ceci n'est qu'un mensonge forgé à leur rencontre. Et Allah demandera des comptes à ceux qui ont forgé ce mensonge. Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi', ce sont des gens de la Sunna. Ils ont défendu la Sunna, on pratique la Sunna. Celui qui est mort parmi eux n'est mort qu'après avoir rempli les étagères du discernement entre le hadith authentique et le hadith faible. Regardez les livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Que trouvez-vous? Gloire à Allah. Allah est le plus grand. Nous ne connaissons personne qui fournit autant d'efforts que lui. Et maintenant, on dit qu'il est morgé. N'a-t-il pas honte, celui qui dit cela? N'a-t-il pas honte? Ne craint-il pas Allah? Par Allah, il est possible que celui qui traite l'Albanie de morgue se sert des livres de l'Albanie et de ses vérifications du hadith, et malgré cela, il dit que Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi, est un morgé. C'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. Ceci est un énorme mensonge. De la même manière, dit Cheikh Najmi, de la même manière, Cheikh Rabi' fait partie des gens de la Sunna qui ont passé toute leur vie à défendre la Sunna et à la propager. Il a défendu la Sunna contre les innovateurs et a éclairci leurs innovations. Il est donc obligatoire pour nous de le remercier pour cela, d'invoquer pour lui, pour qu'Allah lui accorde la réussite et le raffermisse. Et il n'est pas permis à personne de lui lancer des accusations sans aucune preuve. Par Allah, ceci est interdit. Rahim Allah, ce groupe que nous demandons à Allah qu'il nous préserve et nous accorde le salut contre leur voix, c'est un groupe qu'on appelle l'Haddadiyya et d'autres qui ont la haine envers Cheikh Rabi'a. Il a cité le verset وقال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. La traduction approximative du sens du verset: ils ne leur reprochent que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Cheikh Najmi de dire: je conseille donc de ne pas écouter les paroles de ces gens. Et celui que vous avez entendu dire cette parole, sachez qu'elle est en perdition. Conseillez-le, peut-être qu'Allah le guidera pour qu'il revienne à la vérité. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Fin de citation d'un petit résumé que j'ai pris dans le livre de notre noble frère Ahmed, de notre frère Abdelrahman ibn Ismail Hashimi. Le livre est intitulé « Pourquoi s'acharne-t-il sur son éminence, Cheikh Rabi' ?» Je vous conseille vivement de lire ce livre. C'est un frère qui est avec les grands hommes et qui a écrit ce livre. Il a écrit aussi un livre dans la défense de Aïcha radiallahu anha wa ardaha. Et donc, je vous conseille vivement de lire ce livre parce qu'il va vous aider à dissiper beaucoup, à répondre à beaucoup de questions concernant Cheikh Rabi' et concernant la critique et l'éloge et concernant beaucoup d'ambiguïtés qui tournent actuellement. Donc, je cite toujours des paroles du Cheikh Al Haydan qui sont citées dans ce livre, pourquoi s'acharne-t-il sur son éminent Cheikh Rabi'. Et Cheikh Al Haydan a dit, il y en a trois au sujet desquels les gens n'en ont qu'après eux, l'Albani, Mohamed Amal Jami et Rabi' al-Madkhali. Et Cheikh Al-Haydan de dire, ils sont nos frères, nous les connaissons bien, et ils sont sur le droit chemin. Et Cheikh Al-Haydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve, dit, moi je ne connais pas de Cheikh Rabi' qu'il renie l'Iman. Je ne connais rien de Cheikh Rabi', et je ne connais pas que Cheikh Rabi' renie l'Iman. Au contraire, il fait tout pour dire concernant la foi comme Salaf l'ont rapporté de ceux qui l'ont transmis, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed et autres. Fin de citation de ce qui est voulu des paroles du Cheikh Al-Haydan prise dans ce livre que je vous conseille vivement, qui est « Pourquoi s'acharne-t-il sur son éminence, Cheikh Rabi'. ». Et comme vous le savez, Cheikh Rabi' est celui qui porte l'étendard de la Sunna. Il est notre père, notre bien-aimé. Dire comme certains ont dit qu'il est morgé ou qu'il est l'orateur des morgés, cela est une énorme erreur et cela est un égarement. Au contraire, bien sûr, il n'est pas infaillible. Au contraire, qu'on déplaise ou divions, il est le guide et l'orateur des gens de la Sunna, et ceux qui sont et des gens de la sunna et de l'unité, et ceux qui disent qu'il a de l'irja ou qu'il est morgé, ce ne sont que des misérables. Et on dit à cela ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi concernant Cheikh Al-Albani quand on lui rapporte que certains disent que l'Albani a de l'irja. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit: ceux qui disent cela, soit ils ne connaissent pas Cheikh Al-Albani, soit ils ne connaissent pas ce que ça veut dire l'irja. Et donc, ceux qui disent que Cheikh Rabi a de l'irja, nous leur disons tout simplement ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymeen concernant Cheikh Al-Albani. Soit ils ne connaissent pas Cheikh Rabi, soit ils ne connaissent pas l'irja. Et pour le rappel, et le rappel est profitable aux croyants, voyons maintenant la définition de la foi et de l'iman chez Cheikh Rabi' pour se rendre compte des hostilités gratuites et des accusations infondées de ceux qui le traitent de l'irja ou de morgé, ou comme quoi il est en accord avec le morgé'a. Dar al-Mirat al-Nabawi, cette maison d'édition salafi en Algérie, a publié en 1437 une compilation d'un étudiant en sciences sous le titre Al-Inba'u bimawaqif al-Sheikh Rabi' min al-Irja'i wal-Murji'a. Le titre nous dit cela: l'information sur les positions de Sheikh Rabi' à l'encontre de l'Irja' et al-Murji'a. Et bien sûr, la position du Sheikh concernant l'Iman. Et le sujet de cette assise ne sera qu'un résumé extrait de cette risala où a été relaté les paroles de Cheikh Rabi' concernant l'Iman et concernant l'Irja et concernant le Murji'a. Et tout cela est pris des livres de Cheikh Rabi' directement. Il va y avoir beaucoup de répétitions. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Parce que les livres qu'il a expliqués, Cheikh, dans lesquels il a traité de l'Iman, de l'Murji'a sont et de l'Irja sont nombreux. L'Aqidah d'Al-Raziyyin, hein, qui est Sharh Kitab Sharia, l'interprétation qu'il a fait du livre de Sharia, de l'Ajur, rahimahullah, le commentaire qu'il a fait sur Sharh Sunnah al-Barbahari, hein, et le commentaire qu'il a fait à Aqidat al-Hadith de Sabouni, et ainsi de suite. Et le commentaire qui est fait au livre de l'Iman, qui est dans le recueil de l'Authentique du Muslim. Et cela, cette répétition des paroles du Cheikh, nous permettre de voir qu'à n'importe quelle occasion, ce noble Cheikh a opté dans ses enseignements, dans ce qu'il écrit, dans ses orientations, a opté la voie des plus prédisseurs d'Allah Alim concernant l'Iman. Donc Cheikh Rabi a dit, dans l'explication qu'il a fait de Aqidat al-Raziyyin, la voix des gens de la Sunna et de l'unité ont tout lieu, et avant eux les compagnons qu'Allah les agrée, et ainsi que ceux qui les ont suivis à la perfection sont sur cette croyance qui est l'Iman, c'est la parole, c'est des actes, il augmente et diminue, augmente avec l'obéissance, il diminue avec la foi. Et c'est ce qui est prouvé par le livre d'Allah et la sunna de son messager, contrairement à ce que disent le Murji'a et le Khawarij. Et il a dit, Hafidhahullah, dans le commentaire qu'il a fait à Sharh Sunnah al-Barbahari, ce qui est obligatoire pour le serviteur comme foi et croyance, c'est qu'il doit croire que la foi, c'est la parole, les actes et les croyances. Il augmente avec l'obéissance, il diminue avec la désobéissance. Il augmente avec l'obéissance jusqu'à devenir comme les montagnes. Il diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome, il se peut qu'il n'en reste rien. Et il a dit, Hafidhahullah, dans Sharh Usul Sunnah, de l'imam Ahmed. La foi, ce sont des paroles et des actes. La parole du cœur et de la langue, et l'acte du cœur et les membres du corps. Où tu dis, la foi, ce sont des paroles, des croyances et des actes. Il augmente avec l'obéissance, il diminue avec la désobéissance. Ça, c'est la foi chez les gens de l'unité et de la sunna. Et il a dit, rahimahullah, dans Sharh Aqidat al-Raziyin, pour les gens de la sunna, l'iman, la foi, concerne à la fois le cœur, la langue et les membres du corps. La croyance du cœur et la prononciation de la langue et les actes avec les membres du corps. Il a dit, rahimahullah, l'iman, c'est des paroles et des actes. Ceci prouvé par le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, dans nafahat l'huda min majalis al-Qur'an, dire les assises de l'explication du Coran qu'il faisait chez lui à la Mecque pendant certaines années, hein, pendant Ramadan, il a dit, rahimahullah, dans l'une de ses assises de l'explication du Coran pendant le mois de Ramadan, iman, pour les gens de la sunna, c'est la parole de la langue, c'est la croyance du cœur et c'est les actes des membres du corps. Et cela, Allah l'a cité dans beaucoup de versets. Et il a cité le verset قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc la traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, rahimahullah, pour montrer que la foi concerne, hein, les croyances du cœur, et concerne les actes avec les membres, et concerne la langue, hein, a dit, le verset dit ceci dans sa traduction approximative, certes, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en Allah. Ceux qui accomplissent la salat, et qui dépensent dans les voies du bien de ce que nous leur avons attribué. Et dans ces versets, il y a la parole de la langue, les actes du membre, il y a la croyance du cœur aussi, et les actes du cœur. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans l'interprétation qu'il a fait au livre du Sharia de l'Ajurri. La foi, c'est la parole, les actes et la croyance. Parole de la langue, acte des membres du corps et croyance avec le cœur. Et si tu veux, tu dis, l'iman, c'est la parole, l'acte, la parole du cœur et de la langue et l'œuvre du cœur et des membres du corps. Ceci, tout ceci, c'est ce qui est résumé d'un passage qui est dans le livre édité par Dal Milat Nabawi Inba, l'information sur les positions du Cheikh Rabi' concernant l'iman et l'irja. Donc ceci, c'est la définition de la foi en laquelle croit Cheikh Rabi'. Ce que nous avons entendu dans ces citations, c'est la définition de la foi en laquelle croit Cheikh Rabi'. Et cette définition, c'est celle des gens de la sunna et de l'unité. C'est la définition du salaf, radouanullahi alayhim. Et c'est la définition citée et donnée par les imams de la sunna, les contemporains et les anciens, comme Ibn al-Mubarak, comme l'imam Ahmed, et ceux qui sont venus après eux, parmi les savants jusqu'à nos jours, l'imam Bukhari, hein, de nos jours, hein, Ibn Baz, l'Albani, Ibn Uthaymin, hein, l'Fawzan, et tous ces imams de la communauté, l'Abbad, et ainsi de suite. Donc, pourquoi donc cet acharnement sur Cheikh Rabi'? Nous avons vu dans ces définitions qui sont tout simplement des expressions différentes pour définir la foi, il y a dans ces définitions la parole du cœur. La parole du cœur, c'est la croyance du cœur. Et l'œuvre du cœur, c'est la sincérité, l'espoir en Allah, mettre sa confiance en Allah, et ainsi de suite. Quant à l'acte de la langue, c'est la prononciation de l'attestation de foi, et tout ce qui est toute bonne œuvre qui s'accomplit avec la foi, avec la langue. Voyons maintenant à partir de certains extraits de cette compilation intitulée « L'information des positions de Cheikh Rabi' concernant l'Irja, le Murji'a et l'Iman » prise dans les paroles de Cheikh Rabi', voyons maintenant la définition de l'Irja et ce que dit Cheikh Rabi' lui-même concernant l'Irja. Dans l'interprétation qu'il a fait au livre de Sharia de l'Ajourri, rahimahullah, Cheikh Rabi' a dit, les gens de la Sunna, dont tout ce qu'ils ont écrit sur les croyants, citent et répliquent Al-Khawarij, qui jette l'anathème sur le musulman, sur le soumis à Allah s'il commet des péchés, et répliquent aussi Al-Murji'a, qui ont exagéré dans leur attachement au texte des promesses d'Allah, au point où ils ne désignent pas les actes dont la définition de la foi, ils disent la foi c'est la connaissance. Et ils mettent de côté les actes de la définition de la foi. Selon cette, Cheikh Rabi, il dit, selon cette vile définition de l'Murji'a de la foi, l'Iman c'est la connaissance. Il dit, dans ces cas-là, tous les mécréants sont croyants. Et alors tête Iblis, et Pharaon, et Haman, le vizir de Pharaon, et autres catégories de mécréants et d'hypocrites, et de rebelles contre les lois d'Allah. Et il dit, rahimahullah, Cheikh Rabi' dit, il y a murji'at al-fuqaha, comme Hamad ibn Sulayman, et comme, qui sont des gens de l'Koufa, et fait partie d'eux, Abu Hanifa, rahimahullah. Cela disent que la foi, c'est attester la véracité avec le cœur et la confirmation de la langue, c'est tout. Et les actes ne font pas partie de la foi pour eux, c'est-à-dire ne font pas partie de la définition de la foi pour eux. Il dit, rahimahullah, c'est pour ça qu'ils ont été appelés murji'at al-fuqaha, car ils ne rentrent pas les actes dans la définition de la foi. Il irja, c'est le fait d'acculer les actes ou de mettre de côté quelque chose. L'irja en langue arabe, ça veut dire c'est le fait d'acculer quelque chose ou de la mettre de côté ou de mettre de côté quelque chose ou de la mettre en arrière. Comme il est dit dans le verset, qalu arjihi wa akha. La traduction approximative du sens du verset, faites-les attendre lui et son frère, c'est-à-dire mettez-le de côté en attendant. Ben la même chose, murji'at al-fuqaha, ils mettent les actes de côté. Même si pour eux, celui qui délaisse les actes est concerné par les avertissements et le châtiment. Mais ils font pas rentrer dans la définition de la foi les actes. C'est pour ça qu'ils ont été appelés murji'at al-fuqaha. Il verra d'un côté, il concorde avec les gens de la Sunna, comme nous allons le voir. Et donc, Cheikh Rabi, rahimahullah, il dit, pour murji'at al-fuqaha, ils n'ont pas inclus l'œuvre dans la foi, alors que les textes du livre et de la Sunna sont nombreux qui montrent et disent l'œuvre dans la définition de la foi, et que la foi augmente, et dans la Sunna, il y a la clarification que la foi diminue. La clarification qui clarifie que la foi diminue. Et dans Sharh Aqidat al-Raziyyin, Cheikh Rabi a dit, le Murji'a disent, la foi, c'est la connaissance du cœur, tout simplement. Et ça, c'est la croyance des Jahmites parmi le Murji'a. Al-Jahmiya parmi le Murji'a disent que la foi c'est tout simplement la connaissance du cœur. Qu'Allah les déshonore. Et ça c'est une croyance mécréante. Et c'est la croyance de Iblis. Iblis connaît Allah. Il connaît certains attributs d'Allah. Il sait qu'Allah c'est le créateur. Et qu'il a la puissance absolue. Il sait qu'Allah a la puissance absolue. Il sait qu'Allah guide qui il veut. Il égare qui il veut. Comme dans le verset, قال عز وجل فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. La traduction approximative du sens du verset, Shaitan a dit, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Regardez comment il reconnaît. Et Cheikh Rabi' de dire, donc Shaitan connaît la seigneurie d'Allah. Il reconnaît sa puissance. Il reconnaissait que c'est Allah qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Et il dit, Hafidhahullah, Al-Jahmiyyah disent que la foi, c'est la connaissance seulement. Et ceux-là sont les extrémistes des Murji'a, qu'Allah les déshonore. Et pire que cela, le Murji'a connu sous le nom de Al-Karramiyya, qui disent que la foi, c'est tout simplement la prononciation de la langue. Et les hypocrites pour le Karamia sont des croyants. Et une autre catégorie de Murji'a qui sont Murji'a al-Fuqaha qui disent que la foi c'est la parole de la langue et attestation. C'est la parole de la langue et le fait d'attester la véracité avec le cœur. Et ils disent c'est attester la véracité avec le cœur et la prononciation de la langue seulement. Hada pour Murji'a al-Fuqaha. C'est ça ce que veut dire la foi. Pour eux, les actes ne font pas partie de la définition de la foi. Et ici, une parenthèse qui s'impose. Là, il faut savoir, comme cela va être cité après, que la foi, c'est Murji'at al-Fuqaha. S'ils y incluent pas les œuvres dans la définition de la foi, ils concordent avec les gens de la Sunna que les avertissements concernant ceux qui sont négligents dans les œuvres, les avertissements du châtiment les concernent. Contrairement aux autres catégories de Murji'a qui disent que ceux qui délaissent les œuvres ne sont pas concernés par les châtiments et par les avertissements de ceux qui délaissent là les œuvres. Donc Murji'a al-Fuqaha, d'une part, concordent avec les gens de la Sunna, avec le fait que que pour eux, ceux qui délaissent les œuvres et qui négligent les œuvres sont concernés par les avertissements et par le châtiment qui en découle du fait de délaisser les œuvres. Contrairement aux autres tendances de Murji'a, qui eux pour eux, qu'il ne fait pas d'œuvres et qu'il délaisse les œuvres, ceci ne gêne en rien. Et Cheikh Rabi a dit, Hafidhahullah, commentant la parole de Raziyyin dans Aqidat Raziyyin, celui qui dit qu'il est croyant véridiquement, celui-là est un innovateur. Celui qui dit qu'il est croyant véridiquement, celui-là est un innovateur. Cheikh Rabi a dit, commentant cette parole, ceci est une réplique à Al-Murji'a. C'est-à-dire, cette parole de Raziyyin est une réplique à Al-Murji'a qui disent, je suis croyant véridiquement. Et la foi, et ils disent aussi la foi du désobéissant, et comme la foi de Jibril, car la foi pour eux, c'est attester la véracité avec le cœur. Quand cette attestation existe, il est croyant, et sa foi est complète comme celle de Jibril, et il est véritablement croyant pour Allah. Ainsi ils prétendent. Donc Dari'a, dire dans l'interprétation que Cheikh Rabi'a a fait de Sharia, Cheikh Rabi'a a dit, Hafidhahullah, commentant la parole de l'Ajuri qui dit, concernant les gens de l'unité et de la Sunna, les compagnons en tête, Rahimallah, quand ils ont cru en ses obligations, c'est-à-dire en les obligations de l'Islam, ils les ont accomplies en certifiant avec leur cœur leur véracité, et par la prononciation de leur langue, il a mis en application avec les membres de leur corps. Allah a dit dans le verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. traduction approximative du sens du verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait, je vous agrée la soumission comme religion à l'islam. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas un sujet où le Morji'a n'ont pas été en divergence, alors que la religion elle est complète. Hein? Il n'y a pas un sujet où le Morji'a n'ont pas été en divergence. Et certains Morji'a disent, la foi c'est seulement la connaissance du cœur. Les œuvres et la prononciation de la langue ne sont pas obligatoires. Qu'Allah les déshonore. Cela veut dire, Fir'aouni Iblis et tous les mécréants, selon leurs paroles, sont croyants. Hein? Cette voix est d'une grande impureté. C'est une voix qui est d'une grande impureté. Une certaine autre catégorie de Morji'a, qui sont Morji'a al-Fuqaha, disent « La foi, c'est attester la véracité avec le cœur, tout simplement, et les œuvres ne font pas partie de la définition de la foi. » C'est-à-dire attester la véracité avec le cœur et la prononciation de la langue et les œuvres ne font pas partie de la définition de la foi pour Morji'a al-Fuqaha. Cheikh Rabi' nous dit, tout ceci ce sont les paroles de, comme on vient de citer, de l'Ajurri dans Dalia. Comme en commentaire, Cheikh Rabi' dit, l'auteur, c'est-à-dire l'Ajurri, cite ses paroles dans cet ordre pour clarifier la déviance des Morji'a à toute tendance confondue, toute catégorie confondue. Il dit, Cheikh Rabi' dit, il y a parmi eux ceux qui disent la foi c'est la connaissance seulement, et d'autres qui disent la foi c'est la croyance du cœur et la parole de la langue, et les actes ne font pas partie de la foi. Ni la prière, ni la zakat, ni le jeûne, etc. Tous ces œuvres ne font pas partie de la foi, ne font pas partie de la foi ni de la définition de la foi. Et ces piliers et ces grandes législations duquel le messager a dit l'islam est basé sur 5, fait partie de ces 5 piliers les 2 attestations. Et les 4 autres, ce sont des piliers. Et tous ces piliers sont mis de côté selon cette voie impure. Ils ne font pas partie de la foi. Il dit, rahimahullah, mais Morji'a al-Fuqaha, même s'ils concordent avec le Morji'a dans le fait de mettre les œuvres de côté et de ne pas les inclure dans la foi et sa définition, voient l'obligation d'accomplir les œuvres et que celui qui ne les accomplit pas est à blâmer. Et aussi il est concerné par les avertissements de ceux qui délaissent les œuvres. Mais ils sont en divergence avec les gens de la Sunna et de l'unité en ce qui concerne la définition de la foi, et ça c'est une divergence horrible. Il dit, rahimahullah, Cheikh Rabi, mais il concorde avec les gens de la Sunna concernant l'obligation des œuvres. Hein? Et que ceux qui sont négligents au niveau des œuvres sont blâmables. Ils tombent sous l'avertissement et s'exposent à passer en enfer s'ils ne sont pas comblés par la miséricorde d'Allah. Hein? Et Cheikh Rabi a dit donc, Dari'a, n'importe comment, Morji'a al-Fuqaha concorde avec les gens de la Sunna concernant l'obligation des œuvres, même si il les inclut pas dans la définition de la foi, dans la foi et dans sa définition. Et il concorde aussi avec les gens de la Sunna concernant ceux qui sont négligents au niveau des œuvres. Et que ceux-là, qui sont négligents au niveau des œuvres, sont concernés par les avertissements, et que l'avertissement du châtiment de l'enfer les concerne. Quant à l'ensemble des Morji'a, à part Morji'a al-Fuqaha, ils ne font pas inclure les œuvres dans la foi. Et le fait de délaisser les œuvres pour eux ne gêne en rien la foi de la personne. Et les péchés ne font aucun mal à la personne et à sa foi du moment qu'on a la foi. Comme l'obéissance ne sert pas avec la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Et il a dit, Habidallah, toujours dans Dari'a, قال عز وجل, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La traduction approximative du sens du verset. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Il dit, rahimahullah, hafidhakallah, subhanahu wa ta'ala, préserve. Ceux-là ont été véridiques dans leur foi et dans leurs paroles où ils ont dit, nous sommes croyants, nous sommes soumis à Allah. Ils étaient véridiques. Et Allah les a considérés comme véridiques. Il les a comptés parmi les véridiques. Car ils ont accompli ces œuvres, les œuvres du cœur, les œuvres des membres, du corps, et les œuvres de la langue, et ses paroles. Et il dit, Havidallah, ce verset est une preuve contre le Murji'a, à toute tendance confondue. Ceux qui disent que les actes ne font pas partie de la foi, leurs paroles est nulle, est fausse, est en contradiction avec beaucoup de versets, et se heurte à beaucoup de hadiths, et parmi les versets, ce verset cité ici, et parmi les hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi, c'est plus de 70 branches, le sommet de ces branches, la ilaha illallah, fut de dire la ilaha illallah, prononcé avec la langue en y croyant avec le cœur, et le plus bas degré, de la foi, enlever le mal de la route. C'est un acte des membres du corps. Hein? Et dans Aoul Bari, Sharh Sunna al-Barbahari, il a dit, Hafidhahullah, le Murji'a sont des fractions. Il y a parmi eux les extrémistes. Et Murji'a al-Fuqaha, les extrémistes parmi eux disent la foi, c'est la connaissance. Et ceux-là, ce sont al-Jahmiya. Et ça, c'est un égarement selon lequel Pharaon est croyant, Iblis est croyant. Pourquoi? Car tous ils connaissent Allah. Puisque là, hein, pour ces jahmites, l'iman c'est tout simplement la connaissance. Et Murji'at al-Fuqaha disent la foi, c'est attester la véracité avec le cœur et prononcer avec sa langue les œuvres et prononcer et la prononciation avec sa langue. Et les œuvres ne font pas partie de la foi. Murji'at al-Fuqaha disent la foi, c'est attester la véracité avec le cœur et prononcer avec sa langue. Et les œuvres ne font pas, et la prononciation avec la langue, et les œuvres ne font pas partie de la foi. Ne font pas partie de la foi et de sa définition. Et ceci, cette parole de Murji'at al-Fuqaha est une contradiction avec les textes du livre et de la sunna. Et il a dit, Hafidhahullah, dans Aoul Bari, Sharh Sunnat al-Barbahari, parmi les groupes égarés, al-Karramiya. C'est tout simplement, pour eux, c'est tout simplement, ils disent que l'iman, c'est la prononciation de la langue. Et cela, c'est une fraction du Murji'a. Pour cela, pour al-Karramiya, la foi, c'est la prononciation de la langue. Seulement. Donc, pour eux, l'hypocrite est un croyant. Pourquoi? Car l'hypocrite a dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Et toujours, Du'an al-Bari, il a dit « Hafidhahullah » pour Murji'at al-Fuqaha, celui qui a dit « La ilaha illallah » avec sa langue, on y croyant avec son cœur, sa foi est comme la foi de Jibril, c'est-à-dire sa foi est complète. Car pour eux, la foi ne se décompose pas. C'est un ensemble qui ne se décompose pas du moment qu'il a cru. Et sa foi ne diffère pas de celle de Jibril, ni de celle de Muhammad, ni de celle de Abi Bakr, ni de celle des autres compagnons. Il est pour eux un croyant dont la foi est complète. Mais s'il commet des péchés, il est exposé au châtiment. Et les extrémistes du Murji'a voit que les péchés ne font aucun mal à la foi. Malgré les péchés qu'aura commis la personne, sa foi restera complète, il ne diminue pas, et il n'y a pas à craindre pour lui le châtiment de l'au-delà. Hein? Ça, c'est les extrémistes parmi le Murji'a. Il a dit, Hafidhahullah, toujours dans Aoul Bari, la voix des gens de la sunna, c'est le juste milieu. Pas d'extrême, pas de laxisme. Pas d'extrême comme le Khawarij, dont leur exagération du jeter l'anathème sur les soumis d'Allah à Allah, et pas du laxisme, comme le laxisme du Morji'a qui considère les criminels, les désobéissants, les pervers ayant une foi complète. Les gens de la Sunna reconnaissent à tout un chacun sa place et lui donnent sa juste place. Celui qui a la foi complète, il le considère comme tel. Et celui dont la foi a diminué avec les péchés et la désobéissance, car la foi augmente et diminue, ils disent de lui, c'est un croyant avec sa foi et un désobéissant avec ses péchés capitaux. Ils ne lui donnent pas la description de la foi absolue. Et avec tout cela, avec tout ce que l'on a entendu, ces définitions que ne cesse de répéter Cheikh Rabbi Hafidhahullah, hein, les insensés disent que Cheikh Rabbi Adul Irja, ou que Cheikh Rabbi Imurji, ou qu'il est l'orateur du Murji'a, ou il est en accord avec le Murji'a, quelle mauvaise parole que celle-ci, dite par cette tendance à l'encontre de cette imminence de la science. Vous avez entendu la définition que donne Cheikh Rabbi al-Iman et comment il réfute l'Irja et le Murji'a. Et il a dit, Hafidhahullah, depuis le début de ma vie scientifique, en tant qu'étudiant et en tant qu'enseignant, et dans mes écrits, je dis et je confirme et j'approuve la religion avec laquelle je suis soumis à Allah du fond de mon âme. Et je dis que la foi, c'est les paroles. La religion avec laquelle je me rapproche d'Allah, c'est que la foi, c'est les paroles, c'est des paroles et des actes. La parole du cœur et de la langue, l'acte du cœur et l'acte des membres du corps, et que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Et des fois, je rajoute que la foi diminue au point qu'il n'en reste qu'un atome. Et des fois, je dis qu'il diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ceci, il l'a dit, Hafidhahullah Ta'ala, dans le dévoilement du mensonge de Fawzi al-Bahraini, une des têtes de, des Haddadi. Donc regardez, quelqu'un qui donne la définition de la foi ainsi comme le fait Cheikh Rabi'a, et qui y croit fermement, il enseigne, le propage, défend cette définition de la foi, comment celui-là serait considéré comme morgé, ou ayant de l'irja, ou comme quoi il est en accord avec le morgé'a? Wallah al-musta'an. Lakin, comme il a été dit, وَمَنْ اتَّخَذَ لَهُ الْغُرَابَ دَلِيلًا مَرَّ بِهِ عَلَى جِيَافِ الْكِلَابِ. Mais comme il a été dit, celui qui prend comme guide le corbeau, il le fera passer sur les cadavres des chiens. Et nous arrêtons là, Inch'Allah. فَسَلَّهُ الْعَظِيمُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَحْفَظَ الشَّيْخَ رَبِيعَ وَأَنْ يُثَبِّتَهُ وَأَنْ يُطِيلَ عُمُرَهُ فِي طَاعَتِهِ وأن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيراً.